de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. Cela montrait la vie de Christ, qui devait se marier à une païenne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons encore Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Étant sur terre, il était plus que prophète et connaissait la loi de Moïse, qui disait que, enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Sans l'esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Mais quand l'inspiration vient, elle est très différente. Elle brille comme de l'or. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle brille comme de l'or. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire amen et alléluia, et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part, car un homme de chair ne peut pas parler comme cela, ou encore chanter comme cela. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu.